Alors, dans Autant en emporte l'histoire aujourd'hui, Madame Caillot a perdu ses nerfs. 16 mars 1914, la journée s'annonce est bien remplie pour Henriette Caillot, l'épouse du ministre des Finances. Coiffeur, manucure, traiteur, recruter une nouvelle cuisinière, pas facile, le personnel n'est plus ce qu'il était. Le soir, réception à l'ambassade d'Italie. Mais à quel moment tout a basculé? À quel moment dans son esprit a surgi son idée folle? Aux conséquences si graves qu'on a même dit qu'elle précipita le déclenchement de la Première Guerre mondiale, rien que ça. Voilà ce qui se passe quand les femmes se mêlent de politique. On n'est pas prêt de leur donner le droit de vote, moi je vous le dis. Dans l'après-midi de ce 16 mars 1914, en effet, Henriette Caillot, contre toute attente, demande à son chauffeur de la conduire chez un armurier. Elle achète un Browning, le glisse dans son manchon et à 17h, arrivée au siège du Figaro, tire 6 coups de pistolet sur le directeur, Gaston Calmette, qui meurt quelques heures plus tard. C'est donc l'histoire de l'affaire Caillot que je vous raconte ce soir. Une histoire au dénouement ahurissant, on va le voir, qui fit scandale en 1914. Des messieurs moustachus, des épouses éplorées, des duels, ça ressemble à du Feydeau, avec de la politique et un meurtre en plus. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Jean-Yves Le Naour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale. C'est vous qui avez écrit le scénario qu'on va entendre ce soir, une histoire que vous connaissez bien, puisque vous y aviez consacré un livre en 2007. L'affaire Caillot, on a du mal à se rendre compte aujourd'hui, a passionné les Français au printemps et au début de l'été 1914, avant d'être emporté dans l'oubli de la déclaration de guerre le 1er août. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Yves Le Naour, que l'affaire Caillot appartient à une époque révolue, à ce qu'on appellera sans doute abusivement la belle époque? Oui, sans doute. C'est peut-être même le coup final de la belle époque. Comme si l'année 14 commençait avec des coups de feu de Madame Caillot contre Gaston Calmette, et puis se terminait, je parle de cette année, ces mois de paix qui précèdent la guerre, ouais. Se terminait avec un autre assassinat, celui de Jaurès par Raoul Villain, qui d'ailleurs, Raoul Villain, voulait assassiner Caillot, et comme il n'a pas pu assassiner Caillot, qui s'était barricadé dans son appartement, qui ne sortait pas, a assassiné Jaurès. Mais c'était d'abord Caillot qu'il voulait viser. Vous voyez, donc, il y a un rapport, les nationalistes, Caillot, c'est leur bête noire. Oui, pour apprécier toute la saveur de cette histoire, Jean-Yves Le Naour, pourriez-vous nous dresser un peu la toile peinte, le décor historique de cette tragico-comédie qui se prépare? Donc, c'est la Troisième République, il y a des menaces de guerre depuis déjà quelques années sur l'Europe? Oui, c'est la République radicale, c'est-à-dire que les radicaux sont majoritaires à la Chambre des députés. Et puis on a un Joseph Caillot qui est le chef du parti radical et qui est un personnage un peu étrange parce que c'est un millionnaire avec des gants, avec des gilets, avec un monocle cerclé d'or, avec un haut de forme. Et il est l'élu avec une très belle moustache, chauve, qui se tient toujours très droit, très prétentieux, beaucoup très orgueilleux. D'esprit. Oui, et c'est lui qui est le chef de la gauche. En 1914, ça paraît très très étrange, et les élections arrivent là, avril-mai 1914, et ce sont des élections déterminantes. Il y a vraiment un affrontement entre la droite et la gauche, parce que, vous l'avez rappelé, il y a cette angoisse qui monte depuis 1911, ce spectre de la guerre entre la France et l'Allemagne, ces tensions, et Caillot, lui, il est partisan de l'entente avec l'Allemagne. Donc il a à la fois contre lui les possédants, parce qu'il est l'homme de l'impôt sur le revenu, il a contre lui les nationalistes, c'est l'homme à abattre, c'est vraiment l'homme à abattre. C'est la bête noire des possédants, vous le disiez un instant, hein. C'est l'impôt sur le revenu, c'est Caillot qui l'a instauré. Oui, c'est ça. Et en 1914. Ça vient juste de passer. C'est-à-dire que les batailles ont commencé bien avant la Chambre des députés, mais ensuite il y a eu des batailles au Sénat pour le faire passer. Ça vient à peine d'être voté en 1914. Et ça paraît bizarre, mais jusque-là, il y a les vieilles taxes qui datent de la Révolution, qui taxent plus les aspects extérieurs de richesse que la richesse, c'est-à-dire les portes et fenêtres. Or, vous pouvez très bien être un propriétaire qui n'a pas d'argent, mais qui a une grosse maison avec des portes et des fenêtres. Mmh. Un petit paysan laborieux doit payer des taxes foncières parce qu'il a un petit peu de terre, et puis un gros actionnaire qui est locataire, lui, paye quasiment rien. Enfin, vous voyez, L'idée, c'est d'un impôt qui est plus juste, plus équitable. Ah oui, l'impôt sur le revenu, progressif sur le revenu, est plus juste. Tout le monde va devoir payer, mais payer ce qu'il doit. Hein. Et donc, ceux qui doivent payer le plus, évidemment, n'en veulent pas de cet impôt-là. Et Joseph Caillaux, on dit qu'il a peut-être évité la guerre en 1911 dans un conflit avec l'Allemagne à propos du Maroc. Peut-être que la guerre sans lui aurait commencé en 1911, on ne sait pas. Et il prône aussi le service militaire réduit à un an, alors qu'à l'époque, il est à de 3 ans, c'est ça? En tout cas, il veut le maintenir à 2 ans. Ah, et en juillet 1913, la droite le fait passer à 3 ans. Parce que faut bien voir l'esprit que les Français, la France est un pays de 39 millions d'habitants, en face il y a une Allemagne de 65 millions d'habitants, donc en cas de guerre, et on pense que la guerre sera courte, ce sera un affrontement, pense-t-on, des deux armées, et l'armée allemande est plus forte que l'armée française. Donc c'est pour ça qu'on doit mettre 3 classes d'âge sous les drapeaux en France pour équilibrer l'armée allemande. Mais on ne comprend pas qu'en fait que la guerre qui aura lieu sera une guerre longue qui mettra en face à face les nations entières. Ce ne sera pas les armées d'actifs, c'est pas l'armée, le service militaire de 2 ans ou 3 ans qui va changer quelque chose. Mais néanmoins, entre la gauche et la droite, il y a cet affrontement sur les 3 ans. Et Caillaux s'entend avec Jaurès, avec les socialistes, pour les élections de 1914. Et il voudrait même que Jaurès entre dans son gouvernement comme ministre des Affaires étrangères pour revenir à 2 ans de service militaire et montrer à l'Allemagne que la France n'a pas d'intention agressive, belliciste, et ôter un petit peu de pression dans la cocotte minute européenne. Pour en revenir à la personnalité de Joseph Caillaux, à sa vie privée, donc il est marié avec Henriette, mais c'est un deuxième mariage. Il a été marié d'abord avec une dame, une certaine Berthe, qui garde rancune à l'égard de ce mari qu'il a rejeté, qu'il a abandonné, et qui a en sa possession des lettres assez érotiques, intimes, écrites entre Henriette quand elle était sa maîtresse, et lui, et donc qui vont servir justement au Figaro pour alimenter la campagne anti-Caillaux. Oui, avant même de communiquer des lettres au Figaro, elle avait déjà approché le Gil Blas, un autre quotidien de l'époque. Effectivement, c'est une femme blessée. Même si elle a obtenu un divorce avec une belle pension, quand même une belle rente, elle était la femme d'un ministre, elle était infatuée de cette position. Et là, d'être congédiée comme ça, d'être divorcée... Elle a voulu se venger. Elle veut se venger, elle le est. Alors Jean-Yves Le Naour, nous continuerons ces discussions, si vous voulez bien, tout à l'heure, dans environ 30 minutes. Tout de suite, Madame Caillaux a perdu ses nerfs, un texte de Jean-Yves Le Naour, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. La réalisation est signée Cédric Aussire. Je m'appelle Joseph Caillaux. Je suis mort depuis un moment, à 81 ans en 1944. Député, président du Conseil, j'ai eu une belle carrière politique. Peut-être y a-t-il eu seulement un peu d'étourderie et de légèreté dans mon existence. Vous oubliez de préciser qu'en 1914, vous étiez le chef... Madame, je n'apprécie pas que l'on m'interrompe. Si vous n'étiez pas une femme, je vous aurais demandé réparation. Cessez d'importuner mon mari, madame. Je n'aime pas trop qu'une femme tourne autour de lui. Vous devez être Madame Caillaux. Vous avez épousé Joseph Caillaux en seconde noces. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Eh bien, je suis blonde, replète comme l'étaient les canons de beauté de l'époque. Votre mari est plutôt brun avec de fières moustaches. Et en bonne bourgeoise désœuvrée, je m'occupais de mes toilettes. Je n'aimais pas la politique, ça non. Ce n'est qu'une source d'ennui, surtout avec cette campagne du Figaro. Il fallait que cela cesse. Moi aussi, j'ai eu une belle et longue vie qui a pris fin en 1943. À propos du Figaro, justement, voici son directeur, Gaston Calmette. Pardonnez mon retard. Il y a un de ces mondes en coulisses, tous ces morts illustres, quelle foule! Monsieur Calmette, dites-nous quelques mots de vous. Ma foi, je suis entré au Figaro comme journaliste à l'âge de 27 ans. Et après un bon mariage avec la fille du patron, j'ai connu un avancement, disons, fulgurant. Pour le reste, je suis un mondain que tout le monde disait délicat, affable et d'une grande correction. Oh, comment ose-t-il ? C'est un sagouin, un petit scribouillard, un minable plumitif qui manie la calomnie. Oh, tout doux, madame, tout doux ! Je suis la victime dans cette affaire. C'est moi que vous avez assassiné en 1914, je vous le rappelle. Je n'ai pas eu la chance d'avoir comme vous une longue et belle vie. Vous avez de la chance d'être mort, car vu la façon dont vous parlez à ma femme, je vous aurais défié en duel. L'histoire avait commencé en mars 1914. C'était avant la Première Guerre mondiale, un autre monde. J'en rage. Depuis janvier, dans le Figaro, chaque jour, je m'évertue à éreinter le ministre des Finances, Joseph Caillaux. Une campagne de presse comme on n'en a jamais vu. 110 articles, dessins, entrefilés, et rien. Ce diable d'homme tient bon et ne songe pas à la démission. Pire, il m'ignore ou publie un communiqué pour pointer mes erreurs ou celles de mes informateurs. Je n'ai bientôt plus rien dans mon sac. Et les élections législatives qui approchent. J'ai épuisé toutes les munitions fournies par son ennemi, Louis Barthou. Il m'en reste heureusement encore du côté de Berthe Guédan, la première femme de Caillaux, qui a eu la bonne idée de garder de vieilles lettres. Il n'est pas pire démon qu'une femme trahie, c'est connu. 16 mars 1914, 8h du matin. Gaston Calmette, directeur du Figaro, la cinquantaine satisfaite et bedonnante, vient d'arriver à son journal. Il ignore qu'il n'a plus que quelques heures à vivre. Au même moment, Joseph Caillaux, le ministre des Finances, prend son petit déjeuner avec son épouse, Henriette, dans leur élégant domicile parisien. Chérie, peux-tu me passer le beurre, s'il te plaît ? Henriette ? Henriette, tu es là ? Excuse-moi, j'ai encore passé une nuit affreuse. Tu ne manges pas ? Tu n'as pas faim ? Non. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir de l'appétit avec cette campagne de vilainie contre toi. Je suis un homme politique de premier plan et j'ai le cuir épais. Tiens, passe-moi la confiture aussi. Oui. Tout de même, je ne peux plus aller nulle part. Dans les salons, j'entends partout sur mon chemin, c'est la femme de ce voleur de cailloux. Oh. C'est parce que tu fréquentes les salons des imbéciles. Tu verras. Dans un mois, aux législatives, la France sera avec moi. Quand tu seras président du Conseil ? Mais ce sera pire encore. Et puis en attendant... Ah, les journaux. Merci, Germain. Germain. Alors... Quel poison nous réserve le Figaro aujourd'hui ? Laisse donc, Henriette. Ne te rends pas malade avec cette littérature de caniveau. J'ai de la politique, tu n'y comprends rien, comme toutes les femmes. Non. Quoi ? Ce n'est pas possible. Quoi ? Ce satané Calmette ne recule devant aucune bassesse. Regarde. Oh. C'est une lettre intime que tu as écrite à ta maîtresse. En 1901, c'est un coup de Berthe, c'est sûr. Je ne puis croire qu'un journaliste ayant le sentiment de sa dignité fasse paraître une lettre privée. Mais regarde, c'est signé Tonjo. On nous ridiculise, on nous humilie. Et demain, va-t-on savoir, ce seront les lettres que nous échangions avant ton divorce et que Berthe a dérobées en crochetant ton secrétaire. Elle nous les a restituées, voyons. Ça m'a coûté assez cher, d'ailleurs. Un divorce à 250 000 francs. Mais elle a très bien pu en faire des copies. Joseph, tu ne te rends pas compte. Si demain on publie mes lettres, j'étais encore mariée quand je t'ai connue. Ma fille ignore mon infidélité avec son père. Je serai une femme perdue. Une femme sans honneur. Allons, allons, allons, allons. Rassure-toi, je vais m'occuper de tout cela. Il ne se passera rien, rassure-toi. Mon ex-épouse fait partie du complot qui alimente mes adversaires politiques. Ce Calmette. Je lui enverrai bien mes témoins et je réglerai ça sur le prix, entre hommes. Mais je le sais, il n'est qu'un homme de paille. Derrière lui, c'est Louis Barthou, Aristide Briand. Et peut-être même Raymond Poincaré qui tire les ficelles. Ce sont eux les grands responsables de cette campagne. Je m'en vais tout à l'heure, avant le Conseil des ministres, mettre les points sur les i avec le président de la République. Joseph Caillaux n'a pas tort, Louis Barthou est sans doute son pire ennemi. Chef de file de la droite, Barthou ne digère pas le fait d'avoir été renversé 3 mois plus tôt par une coalition dirigée par Caillaux. Si le nouveau bloc des gauches obtient la majorité aux législatives en mai 1914, alors Caillaux deviendra président du Conseil. En attendant, il n'est que ministre des Finances, mais dans 6 mois, ce sera lui le chef. À moins qu'on ne lui barre la route. Et par tous les moyens, même la calomnie. Voleur, manipulateur, boursicoteur, antipatriote. Toutes les insultes sont bonnes à Gaston Calmette, qui joue les porte-flingues pour Louis Barthou. La politique, ce n'est pas toujours très propre. La presse non plus. Il est 9h30, ce 16 mars 1914, quand Joseph Caillaux se présente dans le bureau du président de la République, Raymond Poincaré. Eh bien, monsieur le ministre, pourquoi vouliez-vous me voir ? Pour une question privée. C'est tout à fait le mot, à propos des articles abjects du Figaro. Que voulez-vous que j'y fasse ? La presse est libre dans ce pays. Je conçois que cette liberté de me calomnier vous agrée. Allons, monsieur le ministre. De toute façon, je ne viens pas parler de politique, mais des manœuvres de vos amis, Bartou, Brillant et de ce malotru de Calmette. Vous avez lu la dernière livraison du torchon qu'on appelle Figaro ? Eh bien, on y a reproduit une de mes lettres intimes, sans mon consentement. Ma femme redoute que certains de ses courriers se retrouvent à leur tour à la une, et cela lui serait très pénible. Rassurez-vous, je tiens Gaston Calmette pour un galant homme, tout à fait incapable de mettre en cause votre femme. Et moi, je vous répète que ma femme serait très affectée. Aussi, je vous préviens, si Calmette publie ses lettres, je le tue. Monsieur Caillaux, calmez-vous. Nous n'arriverons jamais à ces extrémités. Je vais y veiller personnellement, vous avez ma parole. Le conseil des ministres va commencer. Allez vous installer, je m'occupe de votre affaire. Bien, monsieur le président. Allô ? Convoquez-moi Louis Bartou et Aristide Briand dans mon bureau. Oui, c'est assez urgent. Disons 16 heures. Poincaré ne veut pas de scandale. En fin d'après-midi, il demandera effectivement aux deux adversaires de Caillaux de modérer leurs attaques. Il contactera aussi un de ses amis avocats pour se mettre en relation avec Gaston Calmette et s'assurer qu'il n'y aura pas de dérapage. Mais il sera déjà trop tard. À cette heure-là, Henriette sera en route pour le Figaro. Rien alors ne pourra plus empêcher le drame. Mais dans la matinée, au moment où le Conseil des ministres se réunit, tout est encore possible. À 10h30, Henriette a fait venir à son domicile un juge, président du tribunal de la Seine, un ami du couple Caillaux. Dieu du ciel, vous êtes en train de me dire que nous ne pouvons pas porter plainte. Vous comprenez, c'est très délicat, ces affaires politiques. Et cela, c'est de la porcelaine de Chine. C'est très délicat et cela casse quand même. Ne vous mettez pas dans des états pareils, je vous en conjure. On voit bien que ce n'est pas vous qui êtes diffamé. Si encore le plaignant était un modeste particulier, la plainte pour diffamation serait recevable. Mais là, votre mari, un personnage politique de premier plan... Non, il ne convient pas d'attaquer un journal en justice, vous risqueriez de perdre. Il n'y a rien à faire, c'est cela. Hélas, je le crains. Vous devez vous résigner ou vous défendre par vos propres moyens. Se défendre par ses propres moyens. Le président du tribunal de la Seine n'a certainement pas songé à mal en prononçant cette phrase. Mais elle va résonner chez Henriette de façon entêtante. Se défendre par ses propres moyens. Je sais ce que vous pensez. Et pourtant, je n'ai en rien prémédité la correction que j'ai infligée à ce goujat de Calmette. Elle appelle cela une correction, non mais... Ah, elle a bon dos, la correction. À peine êtes-vous entré dans mon bureau, vous m'avez tiré dessus. Pam, pam, pam ! Vous ne m'avez pas laissé une seule chance. Vous n'êtes pas encore mort, ce matin du 16 mars, que je sache. Alors laissez-moi raconter mon histoire, s'il vous plaît. Ce soir-là, nous devions dîner à l'ambassade d'Italie. Le matin, j'ai appelé l'ambassade pour annoncer l'heure de notre venue. Puis à 11h, j'ai reçu ma manucure. Et enfin, un représentant de la maison Potel et Chabot. Vous savez, ce grand traiteur qui régale à grands frais la bourgeoisie parisienne. J'envisageais en effet de donner un dîner le lundi 23 mars. Vous voyez bien que je n'ai rien prémédité. Misérable ! Alors quand vous êtes-vous décidé à me trouer la peau ? Eh bien, pas tout de suite. Je me suis rendue en fin de matinée chez mon dentiste pour prendre rendez-vous. Après quoi, j'ai rejoint le ministère des Finances et je suis revenue à la maison avec Joseph pour le déjeuner. En chemin dans le taxi, je me souviens, nous avons parlé. Conduisez-nous au 22 rue Alphonse Deneville. Joseph, je suis catastrophée. Le juge m'a dit qu'il fallait accepter de se faire humilier sans réagir. Que penses-tu faire, mon chéri ? Je souhaiterais que tu restes en dehors de ces histoires. Sois tranquille, je ne te laisserai pas attaquer impunément. J'irai plutôt casser la gueule à Calmette. Ne fais pas cela. Ce serait la fin de ta carrière. Je suis ton défenseur. Si un jour on t'attaque, on devra me passer sur le corps. Maintenant, tranquilliste. À gauche ! Non, à gauche au carrefour ! Oui, ici ! Qu'est-ce que c'est que ce taxi qui ne connaît pas son métier ? Joseph n'a pas parlé à sa femme de son entretien avec Poincaré. Il a eu tort. À force de vouloir protéger sa femme en la tenant à l'écart, il la maintient sans le savoir dans l'angoisse. Car Henriette est désormais travaillée par la peur que son mari aille rosser le directeur du Figaro et ruine ainsi son avenir politique. Le déjeuner traîne en longueur. Henriette est tendue, perdue dans ses pensées. Joseph a une séance au Sénat à 14h30 et regarde constamment sa montre. En plus, les côtelettes sont trop cuites. Oh, ce n'est pas possible, une cuisinière si maladroite. Tu me feras le plaisir de la renvoyer séance tenante. Tu sais, de nos jours, trouver du bon personnel. Occupe-t'en cet après-midi. Bon, allez, j'avale mon café, je t'embrasse et je file au Sénat. On ne peut pas décommander la réception à l'ambassade d'Italie ce soir. Je suis fatiguée. Bien entendu. L'ambassadeur comprendra. Bon, allez, à tout à l'heure, ma chérie. À tout à l'heure. C'est donc à ce moment que vous avez décidé de me tuer. Oui. Enfin, pas tout à fait. Je voulais faire une ultime démarche auprès de vous pour que vous vous engagiez à ne publier aucune lettre me concernant. Mais cela n'a jamais été mon intention. Qu'est-ce que j'en avais à faire que vous ayez trompé votre premier mari avant votre divorce ? Et puis, si vous vouliez discuter, pourquoi êtes-vous venu avec un revolver ? J'avais remarqué que quand on a un Browning dans la main, on est écouté avec tellement plus d'attention. Mais j'ai hésité toute l'après-midi. Ah oui, que faire ? Vais-je aller prendre le thé chez une amie ou aller tuer un homme ? Je me suis rendue peu avant 15h au bureau de placement pour recruter une nouvelle cuisinière. En sortant, j'ai demandé au chauffeur de me conduire chez l'armurier Gastine Renette. On m'a présenté un revolver, un Smith & Wesson. Mon Dieu qu'il était lourd. J'ai opté pour quelque chose de plus féminin, un Browning de 11 cm seulement, si souple, si petit, qui se cache parfaitement dans une poche. Puis vous êtes allé au Figaro et vous m'avez tiré dessus. Pas encore. Je me suis rendue d'abord au Crédit Lyonnais pour récupérer quelques papiers dans un coffre. Une fois rentrée chez moi, j'ai goûté, je me suis changée, enfilé une robe noire à col montant, serrée à la taille par un gros nœud. Après quoi, j'ai pris la décision d'aller discuter avec le misérable directeur du Figaro. Autrement dit, moi. Elle appelle cela discuter. Avant de quitter l'appartement, Henriette laisse un mot sur la table. Mon mari bien-aimé. Quand ce matin je t'ai rendu compte de mon entretien avec le juge, qui m'a appris que nous n'avions en France aucune loi pour nous protéger contre les calomnies, tu m'as dit que tu irais casser la gueule à l'ignoble Calmette. J'ai compris que ta décision était irrévocable. Alors c'est moi qui ferai justice. La France et la République ont besoin de toi. Pardonne-moi. Je t'aime et t'embrasse du plus profond de mon cœur. Ton Henriette. Comme il fait encore frais en cet après-midi du 16 mars 1914, Henriette Caillot prend un manchon dans lequel elle enfouit ses mains et son Browning. Il est 17h passé de quelques minutes lorsque son automobile se gare rue Drouot devant l'immeuble du Figaro. Elle demande à voir le directeur, mais Gaston Calmette n'est pas là. Alors, elle s'assied devant le bureau et dit qu'elle patientera. On lui demande son identité, elle refuse de la donner. Je suis connue de lui. Il me recevra, vous pouvez en être sûre. Tenez, voici une enveloppe cachetée dans laquelle j'ai placé ma carte. Pendant une heure, elle reste assise, droite et silencieuse, dans un calme imperturbable. Pourtant, Henriette est nerveuse, en proie à des hallucinations auditives. Il parle de mon mari. Ils sont en train de rire de lui. Je le sais. Je l'entends. Il parle de l'article de demain. Il se délecte de ses immondices. Les cretins. À 18h, Gaston Calmette arrive enfin. Mais il n'est pas seul. J'étais avec mon ami, l'écrivain et académicien Paul Bourget. Nous devisions joyeusement. À vrai dire, j'étais pressé, je passais en coup de vent pour récupérer mon courrier. Paul Bourget était en voiture, il me proposa de me déposer aux Champs-Élysées où j'avais rendez-vous. Je commençais à redescendre l'escalier quand on vint me prévenir qu'une femme m'attendait. Et on me remit une enveloppe cachetée. En descendant l'escalier, j'ouvris l'enveloppe et découvris sidérée la carte de Madame Caillot. Mon ami me demanda si j'allais la recevoir, et là je pris cette décision funeste. Je reçois toujours les femmes, mon cher Bourget. Gaston Calmette ouvre le bureau, fait entrer Madame Caillot. Il a à peine le temps de jeter son chapeau sur une chaise. Vous vous doutez sans doute de l'objet de ma visite. Mais non, pas du tout. Veuillez vous asseoir si vous... Mais... J'étais en train de déboutonner mon pardessus. Je n'ai même pas eu le temps de l'enlever. C'est ennuyeux, ces Browning. La gâchette est tellement souple que quand on a commencé à tirer, on dirait que l'arme fonctionne toute seule. Ah, elle ne m'a pas loupé, la garce. Les deux premières balles se sont fichées dans la bibliothèque et j'ai reçu les quatre autres. La première dans la cuisse, la deuxième dans le bassin, la troisième a été arrêtée par mon portefeuille et la dernière a glissé sur mon thorax sans me blesser. Pendant que je gémissais sur le sol, les journalistes se précipitaient sur la meurtrière. Lâchez-moi ! Je suis une dame ! Je suis Madame Caillot ! Seule la balle entrée dans le bassin est mortelle, elle a perforé une artère, et à l'époque on ne connaît pas les rhésus, et on ne sait pas faire de transfusion sanguine. On me conduit en hâte dans une clinique de Neuilly, où les chirurgiens hésitent à m'opérer pour ligaturer l'artère. Mais j'ai perdu trop de sang, je suis très faible, et quand les docteurs se décident, il est trop tard. Je rends mon dernier soupir peu après minuit. Pendant ce temps, Henriette Caillot est amenée au commissariat du quartier. Son mari se précipite pour la rejoindre. Ma très chère enfant, qu'as-tu fait ? Je voulais te protéger. Au contraire, tu m'as perdue. Me pardonneras-tu un jour ? Tu es déjà pardonnée, ma pauvre femme. Et ne t'inquiète pas trop pour moi. Les hommes politiques sont comme les chats, ils ont 9 vies. Maintenant, je dois aller faire une déclaration devant les journalistes. S'il vous plaît, Monsieur Caillot. Mesdames, messieurs, compte tenu de l'infortune qui frappe mon couple après tant de provocations de la part d'une presse partisane et réactionnaire acharnée à ma perte, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de ministre des Finances. Me consacrant dorénavant tout entier à la défense de mon épouse, poussé à bout par d'ignobles procédés, j'exprime également la ferme intention de me retirer de la vie politique. Je ne solliciterai donc pas le renouvellement de mon mandat lors des élections législatives qui auront lieu dans un mois. Mesdames, messieurs, je vous remercie. J'ai gagné! J'ai forcé Caillot à démissionner. J'ai décapité le Parti radical à la veille des élections. J'ai donné à la droite toutes les chances de l'emporter. En effet, vous avez gagné le pompon. Vous êtes mort, Monsieur Calmette. Si Gaston Calmette n'avait pas succombé à ses blessures, il aurait certainement étouffé sous les hommages qui s'abattent alors sur lui. Discret, poli, aimable, énergique, subtil, d'une exquise pudeur, le meilleur et le plus aimé d'entre nous, cet individu a toutes les qualités pour la presse de droite. Et encore, vous n'avez pas vu mon enterrement. 10 000 personnes avec des tombereaux de fleurs sur mon cercueil et ses couronnes en mon honneur. Hommage à Gaston Calmette, victime de son courage. Au courageux défenseur de la France. À Gaston Calmette, mort au champ d'honneur. À Gaston Calmette, vrai défenseur de la patrie. Oh mon Dieu, quel plaisir qu'un enterrement comme celui-ci. Mort au service du pays. Il est fort à parier qu'un touriste étranger égaré dans le cortège funéraire aurait cru qu'on enterrait un grand général et non pas un simple journaliste. Quant à Henriette Caillot, pour la droite, cette tueuse aurait obéi aux ordres de son mari. L'assassinat de Calmette, c'est un crime politique, ni plus ni moins. Le crime d'un canaillot, le crime du chef des radicaillots. À gauche, le son de cloche est tout à fait différent. Calmette n'est pas un héros, mais un rastaquouère du journalisme, un écrivassier d'affaires, un chacal du journalisme, un plumitif à gages et un crocheteur de boîtes à lettres. Ça alors, comment ose-t-il écrire sa méchanceté ? Il est mort, et bien tant pis pour lui. Il n'avait qu'à ne pas violer le respect de la vie privée. Le crime n'est pas politique, mais passionnel. Et l'on glisse alors sur le terrain des sexes. Certains insinuent même qu'Henriette n'avait pas tout à fait sa raison, puisqu'elle avait ses règles ce jour-là. L'assassinat de Calmette est donc bel et bien une histoire de sang, mais pas celui que l'on croit. À l'époque, les médecins s'accordent pour affirmer que les femmes sont irritables et surexcitées durant leur période, si bien que jusqu'à la fin du XIXe siècle, on procède à des saignées pour rétablir l'équilibre de leur humeur. Et oui, à la belle époque, les charlatans de Molière n'ont pas totalement disparu. En tout cas, la responsabilité de Madame Caillot se trouve considérablement atténuée par cette révélation. Comment oserait-on la condamner ? La victime, au fond, c'est elle. Victime ? Ah ben c'est la meilleure, celle-là. Et moi, alors ? La prison. Quel ennui. On y est si mal logé. Je ne recommanderais pas Saint-Lazare à mes amis. C'est humide, la cuisine est infecte, la compagnie atrocement vulgaire. Heureusement, j'occupe une pistole, une cellule de qualité pour gens de qualité. Je fais venir mes repas d'un restaurant gastronomique pour ne pas m'empoisonner avec l'ordinaire. Et je dispose d'une détenue pour femme de chambre. Pour me distraire, j'écoute de la musique sur un gramophone. Je décore ma cellule pour en faire un salon intense ou un peu correct. Et je reçois chaque jour mon mari aux heures de visite. Et puis je lis aussi. Voyons ce qu'écrit la lanterne. Les femmes ne gardent point dans les moments d'angoisse la maîtrise de soi-même à laquelle sont accoutumés les hommes politiques dont elles partagent la vie. C'est tellement vrai. Le cri du peuple est plein de bon sens aussi. La femme est peu disposée à comprendre la politique et elle comprend encore moins les attaques contre ceux qui leur sont chers. Ha ! Comme l'âme du peuple est bonne. Mon mari a bien fait d'être de gauche. Mais te voilà, chérie. C'est moi, ma douce. Je vais t'apporter des chouquettes. Tu es trop bon avec moi. Je te sortirai de là. Je te le promets, ma chérie. Je m'en veux tellement d'avoir brisé ton ascension. Justement, je viens te prévenir que je ne viendrai pas te voir les jours prochains. Je serai dans la Sarthe, dans ma circonscription de ma mère. Et figure-toi, on parle de présenter ma candidature à la députation. Contre mon gré, cela va sans dire. Mon pauvre mari, cela doit être si dur de se sacrifier, toi qui avais annoncé que tu renonçais à la politique. Va, tu te dois à tes concitoyens et à la France. Va. La retraite de Joseph Caillot ne dure pas longtemps. Mis en appétit par l'odeur des urnes, soutenu par son parti et par ses concitoyens de la Sarthe, il accepte, avec des poses de martyr chrétien, d'être le candidat unique des Républicains dans l'arrondissement de Mamers. Mes chers amis, ma décision était prise, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Le comité républicain de Mamers a refusé d'investir un autre candidat que moi-même et une pétition de 9000 signatures m'a supplié de ne pas vous abandonner. Alors non. Je ne vous abandonnerai pas aux réactionnaires qui ne parlent que de mon crime. Non, je ne vous abandonnerai pas et je n'abandonnerai pas la France. Je ne laisserai pas triompher les capitalistes, les nationalistes et tous les adversaires de la République. La campagne électorale est terrible, polarisée partout en France sur la figure de Joseph Caillot. Et pourtant, le 26 avril 1914, celui-ci est élu dès le premier tour avec 1558 voix d'avance sur le candidat de droite, Louis Delière, qui ne cache pas sa frustration. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît. J'ai perdu, je reconnais ma défaite. Je remercie les 11 000 électeurs qui ont bien voulu m'accorder leur confiance. Ils ont montré leur indépendance et prouvé qu'il y a ici des hommes courageux, disposés à ne jamais approuver le crime. Que dites-vous là ? Comment osez-vous ? C'est assez clair, non ? Votre femme est en prison, et c'est vous qui avez guidé sa main parce que Calmette était en train de vous démasquer. Vous, un ménage d'assassin. C'en est trop. Voici mon gant. Oh. Vous m'en rendrez compte sur le pré. Allez prévenir vos témoins. Un duel. On ne rigole pas avec Joseph Caillot. Mais un problème se pose à Louis Delière. Je veux bien défendre mon honneur et avoir le privilège de débarrasser la France de l'infâme Canaillot. Mais voilà, je suis catholique pratiquant et l'Église interdit le duel. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Ne me dites pas que vous déclarez forfait, que vous reculez. Pas du tout. J'ai consulté mon évêque qui m'enverra un prêtre pour m'assister. Et si je suis touché mortellement, Il me donnera l'absolution. Comme cela, je ne mourrai pas en état de péché. Ah, oh, c'est beau le jésuitisme. On trouve une solution à tout. Mais un autre problème se pose. Trouver un pré dans la capitale, ce n'est pas facile. Ils finissent par arrêter leur choix sur la pelouse du Parc des Princes. Puis, ils se rendent chez l'armurier Gastine Renette, le même qui a vendu le Browning Fatal à Henriette Caillot, pour y acquérir chacun un pistolet du même modèle. Le 4 mai 1914, à 16h30, les témoins sont là, un docteur et ses instruments, et un curé prêt à dégainer son goupillon. Quand les 25 pas sont comptés, les deux hommes se retournent. Louis Delière est le premier à tirer. « Prends cela, démagogue !» La balle frôle la joue de Joseph Caillot, qui, droit et imperturbable, lève alors lentement le bras et d'un geste auguste et supérieur, tire en l'air. On peut dire que je suis vengé et que j'ai humilié mon adversaire à bon compte. Après tout, point des besoins de verser le sang. Ce duel, remporté par Joseph Caillot le 4 mai, entre les deux tours, n'est que l'avant-garde de son succès. Le 10 mai au deuxième tour, la droite perd une quarantaine de sièges. Et Caillot est à même de rassembler une majorité à gauche et de devenir président du Conseil. Mais pour cela, il faut d'abord que sa femme soit acquittée. Ne vous en faites pas pour ce détail. J'en fais mon affaire. Le 20 juillet 1914 s'ouvre la première séance de ce procès exceptionnel. Le tout Paris veut y assister. On s'entasse à 2000 dans une salle qui n'a que 500 places. Il fait une chaleur à crever. Mais c'est une comédie judiciaire. Car Caillot n'a rien laissé au hasard. Tout est truqué de bout en bout. Le procureur, à qui l'on donne la cravate de commandeur de la Légion d'honneur à la veille du procès, ne mordra pas. Les jurés, eux, ont été choisis aux petits oignons. Une enquête officieuse, totalement illégale, a été menée sur leurs opinions politiques afin de permettre à l'avocat d'Henriette Caillot de récuser les sympathisants de droite pour ne garder que ceux de gauche. Avant même le procès, Caillot se vante déjà d'avoir 11 jurés sur 12. Quant au juge, le président Albanel, c'est la partialité incarnée. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Certes, je me suis porté volontaire pour siéger dans cette affaire, mais je ne vois pas en quoi cela fait de moi un suspect de partialité. Bien sûr, je suis l'ami des Caillot, je vais parfois dîner chez eux, mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal à cela. Certes, mon fils est au parti radical et ambitionne une carrière politique, mais cela n'a rien à voir avec ma façon de diriger les débats, naturellement. Naturellement. Il n'empêche que quand Madame Caillot est interrogée, le juge ne lui dit pas « Accusé, levez-vous », mais « Si vous voulez bien avoir l'amabilité de vous lever, madame ». Et comme la meilleure défense, c'est l'attaque, Joseph Caillot n'y va pas de main morte. Le procès devient celui de Calmette et non plus d'Henriette. J'ai tout simplement apporté la preuve que le directeur du Figaro recevait du gouvernement hongrois, une puissance alliée à l'Allemagne, une subvention secrète de 300 000 francs par an pour favoriser les investissements français en Hongrie. Ah, il est beau Calmette, le héros national de la droite. La défense, assurée par maître Fernand Laborie, est d'une efficacité redoutable. Laborie démontre ainsi qu'Henriette Caillot n'a pas voulu tuer, qu'elle a tiré vers le bas, pour impressionner, mais que d'une part, le recul du Browning a fait remonter involontairement la main de l'accusé, et que d'autre part, Calmette a eu le mauvais réflexe de se baisser et d'aller à la rencontre des balles. C'est de sa faute s'il est mort, en quelque sorte. En France, on ne parle que de ce procès qui passionne. Mais depuis le 23 juillet 1914, la place réservée au procès diminue à la une des journaux. 4 colonnes, puis 3, puis 2. Inversement, la crise diplomatique entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie commence à inquiéter. Le 28 juillet, quand l'armée austro-hongroise bombarde Belgrade, la machine infernale est lancée. Plus rien ne peut empêcher la Première Guerre mondiale. Ce même jour, le verdict est rendu à 21h. À la question « Henriette Caillot est-elle coupable du crime de meurtre sur la personne de Gaston Calmette ?» le tribunal a répondu « non » à 11 voix sur 12. Par conséquent, l'acquittement est prononcé. Garde, faites évacuer la salle. Joseph Caillot a gagné, mais il est trop tard. La guerre est là. il ne deviendra pas président du conseil. Un naufrage. Ah, si ma femme n'avait pas tué le directeur du Figaro, je serais devenu président du conseil après les élections législatives et tout aurait pu être différent. J'avais rendez-vous avec l'histoire. Mais on ne fait pas l'histoire avec des si. Je le sais bien. Madame Caillou a perdu ses nerfs de Jean-Yves Le Naour avec Bruno Pavio, Joseph Caillou, Valérie Moinet, Henriette Caillou, Michel Derville, Gaston Calmette, Christian Cloarec, Raymond Poincaré, Henri Alexandre, Louis Delière, Laurent Claret, le juge, Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Olivier Dupré et Antoine Vieussat, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Cédric Ossir. Juste après les disques, on reprend la discussion sur l'affaire Caillou avec mon invité Jean-Yves Le Naour. Autant on emporte l'histoire sur France Inter. Se faire la belle, se faire la main, faire le mur, se mettre au bain. Des Brigitte sur France Inter, autant n'importe l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Théo Gomard. Jean-Yves Le Naour, merci d'abord pour ce texte hilarant où vous avez donné libre cours à votre fantaisie. Alors vous écrivez des livres d'histoire, des livres toujours très passionnants et très sérieux aussi. Alors qu'est-ce que ça apporte d'écrire de la fiction, d'écrire pour la radio? Ben merci à vous de m'avoir sollicité pour ce texte. Ce que ça m'apporte, c'est que ça m'apporte une grande liberté. Parce que l'histoire, quand on écrit l'histoire, c'est de la rigueur, c'est des faits, c'est des archives. Et là, nous sommes dans la liberté, parce que c'est de la fiction. J'utilise la matière historique, la plupart des citations que l'on entend, des dialogues, tout est vrai, malheureusement, j'ai envie de dire. Alors, il y a peut-être des détails qui sont faux. Par exemple, quand Joseph Caillou apporte des chouquettes en prison, je ne sais pas si les chouquettes existaient en 1914. Ça vous amuse, mais... Imaginez, en tout cas. Voilà. Donc c'est cette liberté de création qu'on n'a pas dans l'écriture de l'histoire qui m'intéresse. J'écris aussi des scénarios de BD, vous voyez, donc j'ai aussi cet appétit, finalement. C'est aussi une manière de vulgariser l'histoire. C'est aussi une manière de vulgariser l'histoire, effectivement, que ce soit des BD historiques, que ce soit des documentaires télévisés, des documentaires historiques à la télé. Et puis, mais je crois qu'au fond, je suis un écrivain raté. Ma vocation, en réalité, c'est d'être écrivain. Bah, vous voyez, c'est pas du tout raté. Alors, il faut dire que cette affaire Caillou est quand même assez époustouflante, donne de quoi imaginer de belles histoires. histoire, elle nous révèle aussi, Jean-Yves Le Naour, l'arrière-cour de cette belle époque, une arrière-cour pas très belle, justement. Alors, tout le monde en prend pour son grade, la politique, la presse, la justice. La presse d'abord, Gaston Calmette, qui est devenu le directeur du Figaro, on l'apprend grâce à vous parce qu'il s'est marié avec la fille du directeur. Ensuite, on voit bien, il n'a aucune déontologie, cet homme. Ah, c'est sûr qu'on lui tresse des fleurs en disant le grand journaliste, etc. Mais comme beaucoup d'autres journaux, hein, il a touché de l'argent. Alors là, en l'occurrence, il a touché de l'argent du gouvernement austro-hongrois pour vanter la Hongrie, pour évidemment vanter les placements en Hongrie. Mais il touchait aussi de l'argent de la Russie pour vanter les placements dans les chemins de fer russes, etc. Et il n'était pas le seul. Quantité de journaux touchaient de l'argent d'un certain nombre de pays pour faciliter les placements. Ça a été révélé au début des années 20, c'était un grand scandale sur la vénalité de la presse. C'était là, des pratiques courantes. Affaire, même dans cette affaire, on voit bien, il est là pour, il sert de porte-flingue à la droite abattre Caillot. Alors, mais c'est ça aussi la liberté de la presse. On utilise un journal en apportant des éléments pour abattre son adversaire. Le Canard Enchaîné sert souvent à cela, vous savez. Hein, enfin, on l'a vu dans l'affaire Fillon. Il a été informé. Hein. Oui, mais le Canard Enchaîné, enfin, je ne vais pas prendre sa défense forcément, mais apparemment, il n'a pas de soutien. Enfin, il est libre. C'est journal qui est, en tout cas, économiquement libre. Après, je ne sais pas pour le reste, mais. Alors, Le Figaro était-il vraiment sur le point de publier des lettres intimes de Joseph et Henriette Caillou? Est-ce qu'il n'y avait pas de limite pour le droit de la presse, cette liberté de la presse? Alors là, c'est vrai qu'on est dans une époque où c'est vrai qu'il y a la loi sur la liberté de la presse. Il y a quand même, on ne peut pas injurier, calomnier, mais en réalité, il y a une liberté qui surprend par rapport à aujourd'hui. Et quand Henriette Caillot effectivement demande au président Monnier, au juge Monnier, est-ce que je peux porter plainte, il lui dit mais non, vous allez perdre. On ne peut pas porter plainte contre un journal et quand on le fait, on perd systématiquement. Vraiment, la liberté de la presse, c'est quelque chose de sacré à l'époque, qui va jusqu'à l'insulte. Mais c'est terrible ce qu'on lit dans l'Action française. On c'est des appels au meurtre et on donne même parfois l'adresse de la personne qu'on est en train d'insulter, comme si on poussait les criminels à aller commettre leur forfait. Il n'y a pas de limite. Mais est-ce que le Figaro aurait publié des lettres de Henriette et de Joseph Caillot? Sans doute pas, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lettres d'amants, hein, dans le dos de leur époux et épouse légitime. Bon, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Henriette s'est vraiment monté le bourrichon, j'ai envie de dire. Et ce qui est étonnant, c'est l'ironie de cette histoire, c'est qu'elle tue Calmette pour qu'il ne publie pas les lettres, et ces lettres-là, Berthe Guédon va se faire un plaisir de les apporter au procès, et on va les lire au procès. Donc, devant la France entière, en tuant Calmette, elle a tué son mari, déjà, hein, puisqu'elle l'a forcé à la démission. Politiquement, oui. Elle l'a forcé à la démission, donc elle a accompli ce que Calmette cherchait, et en plus, elle a fait publier toutes les lettres qu'elle cherchait à ne pas faire publier, quoi. Elle aurait pu, malgré tout, être condamnée à mort. Ah, elle aurait pu être condamnée à mort parce que meurtre et préméditation, on encourt la peine de mort. Mais le procureur Herbeau, il a enlevé la préméditation. Il a dit, oui, vous voyez qu'elle avait pris rendez-vous pour l'ambassade d'Italie, pour son dentiste dans quelques jours. Donc, elle pensait pas à tuer. C'est quelque chose de spontané. Et puis, oui, c'est une femme. C'est une femme. La femme est gouvernée par ses émotions, par l'impulsion, par son cœur. C'est pas un homme qui est cérébral, qui c'est l'intelligence, la conscience, tous les préjugés de l'époque qui, malheureusement, des fois, perdurent encore un petit peu aujourd'hui. C'est donc un crime passionnel. C'est donc un crime passionnel. Il n'y a pas de politique là-dedans. Donc le procureur, il a poussé évidemment les jurés dans ce sens-là. Hein. Et donc, il n'y avait plus le choix pour les jurés qu'entre en réalité 5 ans de prison au minimum et puis et l'acquittement. D'autre part, on est quand même dans une justice qui est complètement aux ordres, pas du tout indépendante. On découvre que Joseph Calmette, enfin grâce à vous, parce que c'est vous, Jean-Yves Le Naour, qui avez enquêté justement sur les dessous de cette histoire pour votre livre. On découvre que Joseph Caillou intervient directement dans le but de faire innocenter sa femme. Un de ses amis a été nommé garde des Sceaux. Le président du tribunal est un ami. Le procureur général a été décoré la Légion d'honneur la veille du procès. Et puis les jurés, c'est vous qui avez découvert en fait que Caillot avait réussi à faire sélectionner sortir, à sélectionner les jurés du Alors procès là, de sa femme. J'en revenais pas, c'est aux archives de la préfecture de police, quand j'ai trouvé ces dossiers, j'en revenais pas. Il y a des enquêtes sur les jurés. Vous savez que chaque année, on établit une liste de jurés, et puis ils sont dans une urne, il y a leur nom, et on les tire au sort. Et le jour où on a tiré au sort les jurés pour Madame Caillot, l'urne était décellée. Alors l'huissier a dit qu'il était tombé dans les escaliers, et on n'a pas cherché plus loin. Mais en réalité, il y a aux archives de la préfecture de police des enquêtes sur les jurés, des enquêtes politiques. Machin lit l'Action française. Alors celui-là, évidemment, on va le récuser. C'est ainsi, il est tiré au sort. Celui-là, on n'en veut pas parce qu'il va voter contre Caillot. C'est fatalement un procès politique. On a gardé des jurés qui étaient plutôt de sensibilité de gauche. C'est ça, radicaux, républicains socialistes. Parce que, quoi qu'on fasse, c'est un procès politique. Si vous êtes de droite, eh bien, vous voudrez condamner Henriette, même si vous pensez que c'est un crime passionnel, parce qu'en condamnant Henriette, vous allez condamner Joseph Caillot, il ne reviendra pas en politique. Si vous êtes de gauche et que vous ne voulez pas condamner Joseph Caillot, eh bien, vous innocentez, vous acquittez Henriette, et ainsi Joseph Caillot revient en politique. Alors, j'ai lu sous la plume d'un grand journaliste qu'en gros, si cette femme irréfléchie n'avait pas commis ce crime, son mari Caillot aurait pu devenir président du Conseil et peut-être aurait évité la Première Guerre mondiale. Ce serait donc Henriette Caillot qui serait la responsable du déclenchement de la Première Guerre mondiale. C'est quand même un peu hallucinant, non ? Oui, c'est un peu hallucinant, mais c'est quand même assez amusant de se poser ces questions. Qu'est-ce qui serait passé si c'est l'histoire contrefactuelle, vous voyez ? Oui. C'est l'Uchronie. Et c'est vrai que si elle n'avait pas tué Gaston Calmette, aux élections, il y a une poussée à gauche, aux élections d'avril-mai 1914, et donc Joseph Caillot, selon toute vraisemblance, aurait pu devenir président du Conseil. Et comme on sait que il a dans son programme l'entente diplomatique avec l'Allemagne, et qu'il a rencontré Jaurès, et qu'il lui a proposé le poste de ministre des Affaires étrangères. Alors, le problème, c'est que le Parti Socialiste ne veut pas s'allier avec un parti bourgeois, alors bon, est-ce que Jaurès aurait accepté ? Là, on est encore dans des si, etc. Mais le champ politique était ouvert. Voilà. Alors, et c'est ce qu'il dit, Joseph Caillot, dans ses mémoires. Il dit, ah, si ma femme n'avait pas tué Gaston Calmette. Si François Ferdinand ne s'était pas fait tuer comme un imbécile à Sarajevo, eh bien, je serais devenu président du Conseil et j'aurais évité la guerre de 14. Mais ça fait si, si. Ça fait beaucoup de si, oui. Et les hommes politiques de la Troisième République, surtout les radicaux, n'aimaient pas beaucoup les femmes et s'opposaient farouchement à leur droit de vote. On imagine que cette affaire a dû les conforter dans leur position. Oui, tout anti-femme. À fait. Et on se pose pas la question quand même, la majorité des crimes, l'immense majorité des crimes sont quand même commis par des hommes. Hein. Et ça n'a jamais posé la question du droit de vote. On n'a jamais mis en cause la question du droit de vote des hommes. Là, comme par hasard, il y a une femme qui tue et alors là, évidemment, les femmes comprennent rien à la politique, il faut surtout pas qu'elles votent, etc. Puis les radicaux, il y a la question de la laïcité puisque les femmes sont vues comme plus pieuses, plus pratiquantes, etc. Donc, si elles avaient le droit de vote, eh bien, elles voteraient comme le curé le dirait et la droite reviendrait au pouvoir. Merci beaucoup Jean-Yves Le Naouan de nous avoir rappelé cette histoire. Je conseille la lecture de votre livre « Meurtre au Figaro, le procès Caillot chez Larousse », collection « L'histoire comme un roman » et également de vous l'excellent « 1914, la grande illusion » publié chez Perrin. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission.